إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous allons évoquer l'histoire de Qarun qui a été citée dans la sourate numéro 28 Al-Qasas. Parmi les formes d'égarement et l'éloignement de la prédication des messagers est le fait de s'enorgueillir de sa richesse, de sa notoriété et de penser se suffire de cet argent pour atteindre tous ses objectifs. Les Quraishites eux-mêmes avaient dit « وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ » à Sourate Zukhruf, verset 31. Et ils dirent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités ?» L'une des deux cités, c'est-à-dire soit la Mecque ou bien Taif. C'est-à-dire sur une personne riche d'une de ces deux cités, car la richesse pour eux était un marqueur déterminant de pouvoir et de notoriété. Ils dénigraient les musulmans de par le fait qu'ils étaient pauvres et sans pouvoir pour la plupart. Certains notables parmi les Quraishites, comme Utba ibn Rabi'a et Shayba ibn Rabi'a, ou Al-Mut'im ibn Adi, ou Al-Harith ibn Nawfal, dirent « Mohammed souhaite-t-il que nous soyons les suiveurs de cela ?» en parlant de Khabbab ibn al-Arat, de Bilal ibn Rabah, de Ammar ibn Yasir, de Suhaib ibn Rumi. « Si Mohammed nous débarrassait de nos esclaves et servants, ce serait une chose plus grandiose à nos yeux et plus convoitée, et cela serait plus propice à ce qu'on le suive et le déclare véridique. » Seulement Allah tabaraka wa ta'ala révéla le verset suivant en réponse de leur dire وَلَا تَتُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَتُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Ce sont les versets 52 et 53 de la sourate numéro 6. « Et ne repousse pas ceux qui matin et soir implorent leur Seigneur, cherchant sa face. Leur demander compte ne t'incombe en rien, et te demander compte ne leur incombe en rien. » En les repoussant donc, tu serais du nombre des injustes. Ainsi, éprouvons-nous les gens les uns par les autres pour qu'ils disent « Est-ce là ce qu'Allah a favorisé parmi nous ? N'est-ce pas Allah qui sait le mieux, lesquels sont reconnaissants ?» Allah tabaraka wa ta'ala explique quelques versets avant le récit de Qarun que ce que peut acquérir l'homme ici-bas n'est que jouissance temporaire. قال الله تبارك وتعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. Sourate numéro 28, les versets 60 et 61. Tout ce qui vous a été donné est la jouissance éphémère de la vie ici-bas et sa parure, alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Ne comprenez-vous donc pas? Celui à qui nous avons fait une belle promesse, dont il verra l'accomplissement, est-il comparable à celui à qui nous avons accordé la jouissance de la vie présente et qui sera ensuite le jour de la résurrection de ceux qui comparaîtront devant nous? Le récit de Qarun vient rappeler à ces gens-là et ceux comme eux que l'orgueil, l'ostentation par les richesses, le mépris des plus faibles ou des moins riches se retournera contre eux, sauf s'ils se repentent sincèrement à Allah tabaraka wa ta'ala. Et que le critère auprès d'Allah ne sont pas ces choses éphémères de la vie présente, mais plutôt ce avec quoi se présentera le serviteur devant le Seigneur de l'univers le jour du jugement. La piété, les œuvres vertueuses et salutaires, la croyance authentique, le suivi exemplaire du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, etc. قال الله تبارك وتعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Allah dit dans le sens des versets, en vérité, Qaroun était du peuple de Moussa, mais il ne se souciait pas de le respecter. Les trésors que nous lui avions octroyés étaient si nombreux que leur seule clé ne pouvait être portée qu'à bout de bras par un groupe d'hommes forts. Son peuple lui dit, ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. Et vise à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, sans oublier ta part en cette vie d'ici-bas. Sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi. Et ne cherche pas à semer la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. Il dit, si j'ai obtenu cela, c'est parce que je le mérite. Ne savait-il pas qu'avant lui, Allah avait fait périr des générations bien plus puissantes et plus aisées? On n'interroge nullement les criminels au sujet de leurs péchés. Un jour, il sortit en étalant tout son faste. Ceux qui aimaient la vie présente dirent, si seulement nous possédions autant que Qaroun, il a certes été doté d'une immense fortune. Tandis que ceux à qui le savoir fut légué dirent, malheur à vous, la récompense d'Allah pour celui qui croit et agit en bien est encore meilleure, mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. Nous ouvrîmes la terre sous ses pieds et le fîmes disparaître, lui et sa maison. Personne ne lui fut d'aucun secours face à ce qu'Allah avait décidé, et lui-même ne put se défendre. Et ceux qui la veille souhaitaient être à sa place se mirent à dire, ne vois-tu pas qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, ne vois-tu donc pas qu'Allah, selon sa volonté, fait de larges dons à certains, et les resserre pour d'autres. Si Allah ne nous avait pas fait grâce, il nous aurait certainement fait engloutir. Ne vois-tu donc pas que les mécréants ne réussissent pas? Cette demeure dernière, nous la réserverons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Ainsi, la fin heureuse appartient aux gens pieux et vertueux. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, pour Abdullah ibn Abbas, Ibrahim al-Nakhai, Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal, Simak ibn Harb, Qatada, Malik et Ibn Dinar, Qarun était le cousin de Moussa. Ibn Jurayj ajouta qu'il était Qarun ibn Yashab ou Yashar ibn Qahis et que Moussa est le fils de Imran ibn Qahis. Donc ce sont des cousins germains. Et Ibn Jarir déclara que c'était là l'avis de la majorité des savants. On tire de cela une grande leçon. La parenté à une personne pieuse n'est d'aucune utilité pour la personne si cette dernière n'a pas la foi et n'accomplit pas d'actes vertueux pour son salut. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Man batta bihi amalu, lam yusri bihi nasabu. Celui que les actes ont retardé ne saurait rattraper ce retard par sa lignée. Qatada rapporte qu'on le surnommait, c'est-à-dire Qarun al-Munawwir, c'est-à-dire l'illuminé, l'illuminé, en raison de la beauté de sa voix dans la lecture de la Torah. Mais il devint l'ennemi d'Allah et emprunta la voie de l'hypocrisie comme As-Sami. Ainsi, sa transgression et son immense richesse l'amenèrent à sa perte. Shahr ibn Hawshab dit qu'il laissait son vêtement traîner d'un empan par terre par orgueil vis-à-vis de son peuple. Allah tabaraka wa ta'ala a fait mention de l'abondance de ses trésors si immense que leur seule clé ne pouvait être portée qu'à bout de bras par un groupe d'hommes forts. Les mafatir cités dans ce verset coranique peuvent aussi signifier les endroits où il stockait ses richesses. On dit qu'elles étaient faites, c'est-à-dire ses clés, de peau et qu'elles étaient portées par 60 ânes. Et Allah est plus savant. L'imam Ibn Kathir de continuer de dire, les membres de son peuple l'ont exhorté en lui disant, ne te réjouis point. Ne sois pas vaniteux en raison de ce qu'on t'a accordé. Ne sois pas vaniteux en raison de ce qu'on t'a accordé et ne méprise pas les gens. Car Allah n'aime pas les arrogants. Et vise à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Entre parenthèses, la course après les biens de ce monde ne doit aucunement constituer un objectif ultime, mais seulement un moyen de gagner l'au-delà. Je referme la parenthèse ici. Que ton souci soit porté vers l'obtention de la récompense d'Allah dans l'au-delà, car cela est meilleur et plus durable. Mais sans oublier ta part dans cette vie d'ici-bas. Prends ce qu'Allah t'a permis à travers tes biens, jouis de tous les délices bons et licites. Car en effet, rechercher des biens de cette vie comme moyen et non finalité est permis, voire obligatoire. Mais cela doit s'inscrire dans ce qu'Allah a permis et autorisé. Et sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi. Sois bon envers les gens comme Allah, leur créateur et initiateur, a été bon envers toi. Et ne cherche pas à semer la corruption sur terre. Ne sois pas mauvais envers eux en leur donnant le contraire de ce qu'on t'a donné. Sinon, il te châtiera et te retirera ce qu'il t'a accordé. Car Allah n'aime pas les corrupteurs. Tout ce qu'il répondit à ce conseil sincère et véridique fut, si j'ai obtenu cela, c'est parce que je le mérite. Autrement dit, je n'ai pas besoin d'écouter ce que vous me dites et ce que vous m'indiquez. Allah m'a accordé cela car il sait que je le mérite et j'en suis plus digne. Et si je n'étais pas aimé auprès de lui et que ma récompense n'était pas auprès de lui, il ne m'aurait pas accordé cela. J'ouvre ici une autre parenthèse. Le terme de science, cité dans le verset coranique, renvoie soit à la science de la Torah, comme cité par certains commentateurs du Coran, ou bien à sa connaissance de la manière de gagner des biens via le commerce, c'est-à-dire son habileté et son expérience dans ce domaine. Ou bien encore sa connaissance des trésors enfouis ici et là. Ou bien encore le fait qu'il connaissait l'alchimie, c'est-à-dire qu'il arrivait à transformer le plomb en or. Ou encore, comme le souligne Ibn Kathir, la science d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala répondit à sa prétention à titre de reproche et de blâme, en lui disant, ne savait-il pas qu'avant lui, Allah avait fait périr des générations bien plus puissantes et bien plus aisées? On n'interroge nullement les criminels au sujet de leurs péchés. Nous avons anéanti parmi les communautés passées des gens plus puissants et qui possédaient beaucoup plus de biens et d'enfants que Qarun. Si ce qu'il dit était vrai, nous n'aurions châtié personne de plus riche que lui. Et sa richesse n'est pas un signe de notre amour et de notre attention envers lui, comme Allah le dit, tabaraka wa ta'ala. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. La sourate 34, verset 37. Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront de nous, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Ceux-là auront une récompense décuplée par rapport à ce qu'ils ont fait et agi, et ils seront en toute sécurité dans les jardins du paradis. De même, Allah dit, tabaraka wa ta'ala, Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin, nusari'u lahum fil khayrat, bal la yash'urun. Dans la sourate numéro 23, les versets 55 et 56. Pense-t-il que ce que nous leur accordons comme bien et enfant soit une avance que nous leur faisons sur les biens de la vie future? Bien au contraire, mais ils n'en sont pas conscients. Cette réponse montre l'authenticité de l'explication que nous avons donnée de sa parole. Si j'ai obtenu cela, c'est parce que je le mérite. Quant à ceux qui prétendent que le sens en est qu'ils connaissaient l'alchimie ou qu'ils connaissaient le nom suprême d'Allah qui exauce l'invocation de quiconque l'invoque par ce nom et qu'il l'utilisa pour ramasser des biens, tout cela n'est pas authentique. Ceci car l'alchimie n'est qu'une tromperie qui ne change pas la réalité des choses et ne ressemble pas à la création du Créateur. Quant au nom suprême, il n'est d'aucune utilité à qui n'y croit pas. Et Qarun était mécréant en son fort intérieur et hypocrite dans ses apparences. Sur la base de cela, la réponse qu'il leur fit n'est pas acceptable. De plus, il n'y a aucun lien entre les deux propos, l'amour d'Allah et la richesse. Et nous avons expliqué cela dans le tafsir, et la louange revient à Allah. Allah dit tabaraka wa ta'ala, un jour il sortit en étalant tout son faste. De nombreux commentateurs du Coran ont mentionné qu'il sortit de chez lui vêtu de ses plus beaux habits, accompagné de montures, de servants et de sa cour. Lorsque ceux qui accordaient une grande importance au faste de cette vie d'ici-bas le virent, ils souhaitèrent être comme lui et envièrent ce qu'il possédait. Lorsque les savants ascètes, doués de compréhension et de raison, entendirent leurs propos, ils leur dirent « Malheur à vous. La récompense d'Allah pour celui qui croit et agit en bien est encore meilleure. La récompense d'Allah dans l'au-delà est meilleure et plus durable, plus illustre et plus immense. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala, mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. Mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. Autrement dit, ce conseil et ces propos ne peuvent être acceptés, cette haute visée vers l'au-delà ne peut être désirée lorsque l'on contemple la parure de ce bas monde, c'est-à-dire le paradis. Lorsqu'on contemple la parure de ce bas monde, le paradis ou bien les actes pieux que par celui dont Allah a guidé et raffermi le cœur, appuyé sa raison et réalisé son but. Autrement dit, ce conseil et ces propos ne peuvent être acceptés. Cette haute visée vers l'au-delà ne peut être désirée lorsque l'on contemple la parure de ce monde. Il a aussi été dit par les commentateurs du Coran que le pronom ici renvoie au paradis ou bien aux actes pieux, c'est-à-dire nul ne recevra le paradis que ceux qui endurent, ou bien nul ne lui sera facilité les actes pieux que celui qui endure. Que par celui dont Allah a guidé et raffermi le cœur, appuyé sa raison et réalisé son but. Et quelle belle parole que celle des pieux prédécesseurs, lorsqu'ils dirent, Allah aime le regard lucide lorsque viennent les ambiguïtés, et la raison intègre et pleine lorsqu'apparaissent les désirs. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, Nous ouvrîmes la terre sous ses pieds et le fîmes disparaître, lui et sa maison. Personne ne lui fut d'aucun secours face à ce qu'Allah avait décidé et lui-même ne put se défendre. Après avoir mentionné son apparition fastueuse, sa tromperie et son arrogance vis-à-vis de son peuple, il dit « Nous ouvrîmes la terre sous ses pieds et le fîmes disparaître lui et sa maison. » Comme le rapporte l'imam al-Bukhari d'après l'imam al-Zuhri, d'après Salim, d'après son père qui est Ibn Omar, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Bayna rajulun yajuru izarahu idh khusifa bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yawm al-qiyamah » Un homme laissait traîner son vêtement et la terre s'ouvrit sous ses pieds. Ainsi, il ne cesse de s'enfoncer dans la terre jusqu'au jour de la résurrection. Comme rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 3485. On rapporte que lorsque Qaroun sortit avec tout son faste devant son peuple, il passa avec son armée, ses montures et ses vêtements devant une assise de Moussa alayhi salatu wassalam qui parlait à son peuple de la résurrection ou alors des prodiges d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque les gens le virent arriver, le visage d'une grande partie d'entre eux se tourna vers lui. Moussa l'appela et lui dit « Pourquoi fais-tu cela ?» Qaroun lui répondit « Oh Moussa, si on t'a donné prévalence sur moi par la prophétie, on m'a accordé prévalence sur toi par les biens. Et si tu veux, invoque contre moi et j'invoquerai contre toi. » Moussa et Qaroun se présentèrent devant le peuple. Et Moussa lui dit « Veux-tu débuter ou me laisses-tu commencer ?» Il répondit « Je vais commencer. » Qaroun invoqua contre Moussa, mais il ne fut pas exaucé. Alors, Moussa lui dit « Veux-tu que j'invoque ?» Il répondit « Oui. » Alors Moussa dit « Oh Allah, ordonne à la terre de m'obéir aujourd'hui. » Allah révéla à Moussa alors « Je l'ai fait. » C'est-à-dire « Je t'ai exaucé. J'ai exaucé ta demande. » Moussa dit alors « Oh terre, saisis-les. » La terre saisit alors leurs pieds. « Saisis-les. » Elle les saisit alors jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux épaules. Elle les saisit alors jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux épaules. Puis, Moussa dit, tourne-toi vers leurs trésors et leurs biens. Elle s'exécuta et ils la regardèrent. Puis Moussa fit un signe de la main et dit, partez, ô fils de Lévi. Et la terre se referma sur eux. On rapporte que Qatada a dit qu'il s'enfonçait chaque jour un peu plus jusqu'au jour de la résurrection. Pour Abdullah ibn Abbas, ils furent engloutis jusqu'à la septième terre. De nombreux commentateurs du Coran ont cité à ce sujet de nombreux récits des gens du livre que nous avons consultés mais délaissés volontairement. Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Personne ne lui fut d'aucun secours face à ce qu'Allah avait décidé et lui-même ne put se défendre. » Ni lui, ni personne ne put le secourir. Comme Allah le dit, tabaraka wa ta'ala, فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ En sourate numéro 86, le verset numéro 10, il n'aura alors ni force, ni secours. Lorsque le châtiment les atteignit, qu'ils furent engloutis, que leurs biens et leurs demeures disparurent, et qu'ils périrent, ceux qui les enviaient regrettèrent. Et ils remercièrent Allah qui administre ses serviteurs de la meilleure façon. C'est pourquoi ils dirent, si Allah ne nous avait pas fait grâce, il nous aurait certainement fait engloutir. Ne vois-tu donc pas que les mécréants ne réussissent pas? Puis Allah montra que la vie de l'au-delà est la vie éternelle. Et que c'est celui à qui on l'accorde qu'il faut envier, s'attrister pour celui qui en est privé. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. L'élévation sur terre désigne l'orgueil, l'arrogance et la vanité. Et la corruption désigne les péchés qui y sont liés et les transgressions, comme le fait de s'approprier les biens des gens, corrompre leur vie, leur causer du tort et ne pas leur procurer de bien. Il y a ici dans ce verset deux aspects. Un premier aspect qui renvoie à la personne et le tort qu'elle se fait à elle-même par le terme de « ulouwa ». Et un deuxième aspect qui renvoie au tort que la personne fait à autrui par le terme « fasada ». Toute personne qui commet du tort, que ce tort revienne à elle-même, ou alors que ce tort agisse ou se répande aux autres, cette personne-là est concernée par le verset coranique en question. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ainsi la fin heureuse appartient aux pieux. Ce récit avec Qarun a pu avoir lieu avant leur départ d'Égypte, car Allah dit tabaraka wa ta'ala, nous ouvrîmes la terre sous ses pieds et le fîmes disparaître lui et sa maison. Car la maison indique la résidence. Cela a également pu se produire pendant l'errance, c'est-à-dire après qu'Allah tabaraka wa ta'ala a sauvé Moussa de Pharaon. Et après l'incident du veau d'or. Et ainsi, la maison désignerait la tente. Et Allah est plus savant. Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné la condamnation de Qarun dans de nombreux versets du Coran. Il dit, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Sourate 40, les versets 23 et 24. Nous envoyâmes Moussa avec nos signes et une preuve évidente vers Pharaon, Haman et Qarun, mais ils dirent magicien, grand menteur. Il dit également, tabaraka wa ta'ala, après avoir mentionné les peuples de Ad et Thamoud, wa Qarun wa Fir'aun wa Haman, wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin, faqullan akhadna bi dhanbihi, faminhum man arsalna 'alayhi hasiba, wa minhum man akhadhathu as-sayha, wa minhum man khasafna bihi al-ard, wa minhum man aghraqna, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sourate numéro 29, les versets 23 et 24. Et nous fîmes périr Qarun, Pharaon et Haman. Alors que Moussa leur apporta des preuves, ils s'enorgueillirent sur terre. Et ils n'ont pas pu nous échapper. Nous saisîmes donc chacun pour son péché. Et il y en eut sur qui nous envoyâmes un ouragan. Et il y en eut que le cri saisit. Et il y en eut que nous fîmes engloutir par la terre, comme le cas de Qarun. Et il y en eut que nous noyâmes. Cependant, ce n'est pas Allah qui leur fit du tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Celui qui fut englouti par la terre est Qarun, ainsi que nous l'avons montré, et ceux qui furent noyés sont Pharaon, Haman et leur armée qui étaient fautifs. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. Le prophète sallam a évoqué un jour la prière, a dit celui qui la préserve, c'est-à-dire celui qui est assidu, obtiendra une lumière, une preuve, c'est-à-dire un argument à faire valoir devant Allah, tabaraka wa ta'ala, et un salut le jour du jugement. Et celui qui ne la préserve pas, il sera privé de lumière, de preuve et de salut. Et il sera le jour du jugement avec Qarun, Pharaon et Haman, ainsi que Ubay ibn Khalaf. Le hadith a été authentifié par Ahmed Shakir. Pour finir, ce récit attire notre attention sur plusieurs points. Premièrement, ce récit est une réfutation et un rappel à tous ceux qui ont été abusés de leur richesse ou de leur vie d'ici-bas. Leur fin sera douloureuse et amère. L'argent et le pouvoir sont des causes réelles d'égarement chez les gens, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde parmi ses serviteurs. Deuxièmement, c'est aussi une grande exhortation pour les croyants afin qu'ils ne tombent pas dans les mêmes travers que ceux trompés par leur richesse et leur position de pouvoir ou bien même leur notoriété. Qu'ils ne se laissent pas séduire par les célébrités, les stars de cinéma, les joueurs de football, ceux qui parmi eux sont peu scrupuleux des lois d'Allah, tabarak wa ta'ala. Troisièmement, les biens qu'Allah nous octroie doivent être utilisés pour gagner l'au-delà. Cette vie d'ici-bas est une terre de semences pour l'au-delà. La récolte se fera là-haut. Quatrièmement, il est permis de jouir des bienfaits d'Allah ici-bas, mais sans exagération, ni faire preuve de cupidité, d'orgueil ou autre. Cinquièmement, Allah dit, « Wa ahsin » et sois bienfaisant. C'est la parole de ces gens doués de raison qui conseillèrent Qarun en lui disant, « Wa ahsin, kama ahsanallahu ilayk » et sois bienfaisant. Et la bienfaisance ici est dans deux aspects. La bienfaisance dans les actes d'adoration, le fait de les accomplir de manière parfaite, et la bienfaisance envers les créatures, être bon envers elles. Sixièmement, la richesse d'une personne ou son pouvoir n'est aucunement une preuve qu'Allah aime cette personne et l'agrée. Allah donne cette dunya, cette vie d'ici-bas à celui qu'il aime comme à celui qu'il déteste. Par contre, il ne donnera l'au-delà qu'à celui qu'il aime parmi les croyants. Septièmement, l'importance des savants et des gens du rappel. Et ceci est un bienfait d'Allah sur cette communauté, qu'il y ait en elle des savants qui ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Huitièmement, les ignorants qui furent trompés par Qarun s'aperçurent par la suite de son égarement, alors que les savants avaient vu cela bien avant les autres. Et ceci nous rappelle la parole de Hassan el-Basri qui disait: lorsque les troubles arrivent, seuls les savants les voient arriver, mais dès lors qu'ils sont passés, seuls les ignorants par eux furent touchés. C'est-à-dire, il n'y a que les ignorants qui subirent ces troubles-là de par le fait qu'ils n'ont pas pu s'y préparer car ils ne les avaient pas vus arriver, alors que les savants avaient déjà vu les prémices de ces troubles et ils s'étaient préparés pour les éviter. On en déduit que les personnes les plus influencées par les tentations de cette vie d'ici-bas et les plus vulnérables face à elles sont les plus ignorantes de leur religion. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardah wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina wa subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.